cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudaha amma ba'd. ما هو الأصل الأول الذي أخذناه من هذه الرسالة الأصول الستة؟ الأصل الأول تفضل الإخلاص. وما معنى الإخلاص؟ إفراد الله في العبادة. نعم، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو كما عرفه الشيخ ابن عثيمين هنا أن يقصد المرء أي الإنسان بعمله بعبادته التقرب إلى الله عز وجل وحده. La sincérité أي son intention c'est l'adoration d'Allah عز وجل. ما الدليل على هذا الأصل؟ أدلة كثيرة تفضل. وَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أحسن. دليل فيه لفظ الإخلاص تفضل. أحسن. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et c'est quoi la chose qui contredit هذا الإخلاص عندك؟ الشرك. أحسن. فما هو الشرك؟ نعم، adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer un autre avec Allah azza wa jal. هذا هو الشرك. وهو على نوعين. Deux catégories de shirk. الشرك الأكبر والثاني الأصغر. الشرك الأكبر ما معناه؟ تفضل. هو الذي يعني يبطل العمل المطلق. نعم، الشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو منافي للتوحيد مطلقا. هذا الشرك يكونتخدي التوحيد مطلقا، أي إلا نل التوحيد، إلا نل الإسلام، الإسلام de cette personne. أي هذا المشرك يصار de الإسلام. مثل des exemples de شرك. أحسنت. الذبح لغير الله. زيد. الدعاء لغير الله عز وجل. Tout ça c'est من الشرك الأكبر. Pourquoi? لأن l'adoration, on avait dit, elle est خاصة بالله عز وجل. الثاني الأصغر ما معناه؟ والذي يناقص التوحيد. نعم، كل عمل أو قول جاء في نص من النصوص ولم يخرج صاحبه من الملة، أي لم يبطل جميع الأعمال، تساء الشرك الأصغر. مثل ماذا؟ الرياء. ها زيد. الحلف بغير الله. نعم، بدون تعظيم المحلوف به. فهذا خلاصة ما أخذناه باختصار. هذا الأصل اللي مهم، أعظم الأصول التوحيد الإخلاص. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الأصل الثاني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. deuxième fondement الاجتماع، se rassembler في الدين. نعم، se rassembler أي en suivant ce din، en se basant sur les preuves de ce din. قال ونهى عن التفرق فيه. Et on n'a pas le droit de se diviser. Et si on suit les preuves, si on se rassemble autour de nos gouverneurs et de nos savants، فلا يحصل التفرق ولو سيا دي خلافات كما سيأتي بيننا dans des choses يسوغ فيها الاجتهاد، هذا لا يضر، صافي أكمل. لكن التفرق في أصل الدين التفرق في العقيدة توسع صفد المال على أمة. قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. جميع الناس ils savent que se rassembler c'est un bien et la division c'est un mal. لكن كثير من الناس ils ont des principes ils sont pas corrects. فمثلا بعضهم ils pensent que il faut se rassembler فقط. Ne critique pas un tel, ne parle pas sur un tel, فقط on doit se rassembler. Là, الاجتماع il est à la dîn كما بين شيخ الإسلام. وقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Il est واضح أن الاعتصام الاجتماع il est à la dîn. On ne peut pas se rassembler مثلا avec un شيعي, avec un رافضي qui insulte أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها et qui insulte أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم et qui pense que ce Coran il a été falsifié. On ne peut pas se rassembler avec ça. On ne peut pas se rassembler avec un khariji qui kaffre les musulmans بغير حق, qui appelle à la révolte, qui appelle au fasad. On ne peut pas se rassembler avec ça. On ne peut pas se rassembler avec un soufi. Pour lui, l'exagération sur les wali, que ce soit du'a ou dhabh, فربما عنده c'est من أفضل القربات. Et ils appellent ça tawassul wa shafa'a. On ne peut pas se rassembler avec ha'oula. Abadan. On ne peut pas se rassembler avec l'asha'ira. Ou ashad minhum al-jahmiya wal-mu'tazila. Yunkiruna sifat Allah azza wa jal. La. Bainana wa bainahum al-haq. Et on est obligé de revenir au haq, on se rassemble. Et celui qui refuse le haq, c'est lui la cause de la division. Tant qu'il ne revient pas au haq. Et chacun selon son égarement. Si c'est un kafir mitle al-rawafid, fanatabarra minhu bil kulliya wa nubghiduhu billah. Et si ça reste un muslim, ka hal ahl al-bid'ah, on rejette son égarement et nunkir alayhi par rapport à cet égarement. Chaque chose a sa place. Faqawl Sheikh al-Islam, fa bayyana Allahu hadha bayanan shafiyan tafhamuhu al-awam, na'am bil jumla anna jami' an-nas izama al-i'tisam. أو إذا مقصد الاجتماع لكن on vit à une époque أن كثيرا من الناس ils ont une mauvaise compréhension. Ils pensent qu'il faut se rassembler فقط نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الفكر انتشر بقوة à cause de cette جماعة فاسدة الإخوان المسلمين أنهم ils ont appelé à هذا. On se rassemble et chacun il se tait sur l'autre. Il ne parle pas sur l'autre. Hada c'est batil. On a un autre fondement de notre din qui est l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi sahih Muslim: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Donc, an-nahy 'anil munkar c'est wajib. Chacun selon ses capacités. Amma se taire. Et on fait comme s'il n'y avait rien. Et l'essentiel, c'est de se rassembler. Ça sera un rassemblement fâchil. Ça sera un rassemblement qui est pas fondé sur le haq. La moindre chose. Et ça se redivisera. Naam. Fahada la. Al-i'tisam ili bihablillah. Et mal mani' de que ha'la abdullal. Que ce soit le Soufiya, que ce soit le Khawarij, que ce soit l'Ikhwan, que ce soit al-Takfiriyin, que ce soit al-Asha'ira, al-Jahmiya, mal mani annahum yatrukuna dhalalahum wa inhirafahum et ils reviennent au haq. On a jeté à l'haq, la mani. Et nous, c'est ce qu'on espère. Lakin, sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqih. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Cette communauté va se diviser, قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن on fait tout pour conseiller pour que chaque مسلم revienne au حق أجماعة الحق الكتاب والسنة على فهم السلف. Et celui qui refuse un نصيحة, celui qui s'entête, il se fait du mal qu'à lui-même et c'est lui la cause de la division. Et il rendra des comptes. Amma, fermez les yeux et on se rassemble tous. Et on appelle à ce fondement sans la compréhension de Ahl al-Ilm, fa hadha la yunfa, bal hadha yadhur. كما قال عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هكذا قال عز وجل في الكفار même الكفار ils ont هذا ils appellent à des unions à s'unir à se tolérer et في الحقيقة قلوبهم شتى كما قال عز وجل chacun il déteste l'autre il parle sur l'autre ونفاق double visage et عند الحاجة عند المواقف tu les trouves pas cette jama'a ربما t'as un problème tu te retrouves seul أما جماعة الحق فسي une جماعة بحق اسم على مسمى نعم فسي هذا المطلوب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il va appuyer avec des adillah et il va détailler رحمه الله قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك أدلة كثيرة beaucoup de preuves في القرآن وفي السنة أن الواجب على المسلمين الاجتماع ils se rassemblent autour du Coran et de la Sunna en suivant le haq قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين حتى الآن بعضهم ربما يتبجح بالحزبية ils appellent à faire des أحزاب chacun doit donner son avis des partis politiques et tout ça, ça divise وصار كما قال شيخ الإسلام الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم il dit c'est ça la modernité il faut que chacun donne son avis وهذا يفرق الأمة Surtout avec l'intikhaba. C'est un des moyens les plus efficaces wal'iyadu billah, pour diviser l'umma. Des partis, chacun y vote et kullu wahid y déteste l'autre. Alors que c'est son frère musulman. S'ils sont dans un pays musulman, c'est des frères. Et ils n'ont pas le droit de se diviser. Lakin, kama qala Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi. Wa sara al-ijtima'u fi al-din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. صحيح. ça c'est في زمن شيخ الإسلام وفي زمننا أشد أن ستابل حق ستابل الاجتماع أي بما دل عليه الكتاب والسنة ستابل أخجتي توس أحزاب فربما تتهم بالزندقة وبالنفاق وبالجنون ربما يتاكوز دات ان hypocrite d'être fou لكن toutes ces accusations كما تقدم معنا كثيرا لا تضر Celui qui accuse, il se fait du mal qu'à lui-même. Et celui qui est accusé, Inch'Allah, c'est un khayr pour lui. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ هَذَا خُلَاصَتْ هَذَا الْأَصْلِ qu'il a cité Cheikh l'Islam أي الاجتماع On doit se rassembler على الحق في الدين وَنَهَانَ عَنِ التَّفَرُّقُ On n'a pas le droit de se diviser. On fait tout pour se rassembler. Et le seul moyen pour se rassembler, c'est de suivre la même source. فالآن ولله الحمد on est des millions de musulmans des centaines de millions ولله الحمد le seul moyen pour tous se rassembler dans tous les pays dans tous les continents c'est de revenir à la même source mais comment on va se rassembler on ne pourra pas chacun va avoir son avis chacun il a son shir chacun il a son madhab chacun il a sa compréhension le seul moyen c'est de revenir aux mêmes sources et les sources c'est le Coran kalamullah sunnat al nabi sallallahu alayhi wa sallam وهي من الوحي كذلك ça fait partie de la révélation كذلك et c'est les paroles les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses croyances كذلك عقيده tout ça bien sûr avec la compréhension des salafs il y en a بعض الناس الان ils sont divisés et ils prétendent suivre le Coran ou le Sunna لكن comment ils comprennent le Coran ou le Sunna بعضهم ربما شرك واضح Et il va appeler ça tawassul wa shafa'a, il va citer des preuves dans le Coran ou le Sunna. Enfin, obliger ces deux sources, Coran ou le Sunna, et kadhalik, c'est obligé de revenir à la compréhension de salaf. Kadhalik, un autre point, cette compréhension des salaf, tu la comprendras avec al-ruju' ila ahl al-ilm, al-mu'asiri. Léana, on a un autre qism, il prétend suivre le Coran ou le Sunna et le salaf, lakin avec une compréhension. La leur, pas la compréhension de Ahl al-Ilm. Kadhalik, ça divise. Donc, on est obligé de revenir aux deux sources, Al-Qur'an ou Sunnah, avec la compréhension des salafs, tout ça, tu pourras le suivre et le comprendre en revenant aux savants. Hada, celui qui veut haqq al-ijtima. Et bien sûr, en obéissant au gouverneur, fi ta'atillah. Si on applique tous ce manhaj, qu'on soit dans ce pays ou dans un autre, on se connaît ou on ne se connaît pas, on vit à la même époque, amla, on sera tous rassemblés, une jama'a, comme ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et man ba'dahu kadhalik, jusqu'à que ahlul bid'ah ils sont venus et ils ont divisé tout le monde. Limada? Les annahum, ils ne sont plus revenus aux sources. Hatta al-an, une jama'a qui se prétend, ils se prétendent musulmans. Al-Qur'aniyoun. Comment tu veux te rassembler avec ceux-là? Yunkiroun al-Sunnah. Ils disent que le Sunnah, ça n'existe pas. Nahnu, on prend que le Qur'an. Al-Ulama kaffarouhum. Et la chaque fi takfirihim. Les annahum, ils rejettent une partie de l'Wahi. Et c'est un manque de respect envers un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ha'oula, comment tu veux te rassembler? Une des sources, ils la rejettent. Tu trouves des autres, ils prennent le Coran ou le Sunna, mais comme ils comprennent eux. Fanharafu. Fallabud min ma dhukir. Le Coran ou le Sunna, avec la compréhension des salaf et en revenant aux savants contemporains. Comme a dit Azza wa Jal, wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Ta'amal qawlahu Azza wa Jal minhum. Et à chaque époque, tu dois revenir à Ha'ula. Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et هؤلاء المذكورين في هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول تغبيون سورس قرآن والسنة وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الفهم الصحيح. قال شيخ العثيمين رحمه الله قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه لآخره. الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ رحمه الله الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. Donc se rassembler et ne pas se diviser. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité les sources qu'on a citées. Quran, والسنة et طريقة السلف. قال أما كتاب الله تعالى فقد قال الله عز وجل. الآن on lit les preuves qu'il a citées pour appuyer ce fondement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. C'est ça الشاهد. واعتصموا, l'اعتصام c'est s'accrocher, se cramponner. Ça te montre أن المسلم doit être حريص على هذا. وهذه اللفظة واعتصموا, ça te montre أن tu dois t'accrocher fort. Pourquoi? لأن أعداء الإسلام feront tout pour diviser les musulmans. Donc Allah عز وجل قال واعتصموا, ça doit être un اعتصام قوي, et faire attention aux causes de division. قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. La fin du verset, ça démontre أن هذا الاجتماع c'est une نعمة من نعم الله عز وجل. Avant l'islam, si tu prends l'exemple de l'Jazira, فَكَانُوا يَتَقَاتَلُونَ وَهَذَا يُبْغِذْ هَذَا وَهَذَا يَسُّبْ هَذَا حَتَّى جَا هَذَا الْإِسْلَامِ. Ils se sont rassemblés à l'al-haq. Ils se détestaient, les tribus. في الجزيرة, avant l'islam, ils se détestaient, ils se combattaient. دائماً. ثُمَّ جَا هَذَا الْإِسْلَامِ, ça les a rassemblés, c'est devenu des frères. Et c'est une ni'ma, من نعم الله عز وجل. قَالَ وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ce verset nous démontre que la division c'est une cause de châtiment. Et ce verset كذلك ça nous démontre que se rassembler c'est une obligation. Ça fait partie des fondements de notre dîn. وقال رحمه الله وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وَلَا تَنَازَعُوا. التَنَازُعَ النِّزَعَ, c'est se diviser. Et il y a plusieurs causes de division. Qala, ala Cheikh Ibn Uthaymeen, il va en citer. Qala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kadhalik, ça nous montre que cette division, c'est la cause du dha'f. Wa tadhhab rihukum ay quwwatukum. Parmi les causes pour que cette umma devienne qawiyya, parmi les causes pour que cette umma elle soit forte, c'est le rassemblement. Et l'ex, parmi les causes qui affaiblit la umma, la division. قال وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه نهي عن الاختلاف أي الفرقة قال ففي هذه الآيات نهى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. La division, ça fera du mal à la communauté, ça fera du mal où que tu vis, à ce mujtama dans lequel tu vis, et ça fera du mal كذلك à toi-même. C'est que du shar, at-tafarruq. Wa al-ijtima' al-aks. Al-ijtima' c'est une cause de sécurité. Tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire des efforts fil ilm. Tu peux faire des efforts fil talab al-risk. Travailler. Tu peux faire des efforts dans beaucoup de choses. At-tafarruq l'aks. Qal wa amma dalalatu sunnati ala hadha al-asli al-azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslim akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushir ila sadrihi. Ay sallallahu alayhi wa sallam. قال بحزب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله الحديث إلى متفق عليه وفي رواية ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا tous ces adillah Cheikh Ibn Uthaymeen il les cite pour démontrer أن المسلم il doit aimer son frère musulman. Il doit s'éloigner des causes de division. Que ce soit la jalousie, que ce soit at-tajassus, l'espionner, que ce soit kadhalik, les choses qui poussent au khilaf, que ce soit dans le commerce ou autre. Wa qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa yaqul alayhi salatu wassalam al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Al-mu'minun doivent être hakadha kal-bunyan. Comme une construction. Chaque brique elle supporte l'autre. Hakadha. Normalement, al-mu'minun. قال وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. الحديث ضعيف. لكن يا بوكو أدلة كي ديمونتر فضل الإصلاح بين الناس والصلح. إما هذه الرواية حديث أبي أيوب فضعيف. والشيخ الألباني فيما أذكر يحسن الحديث بما في الباب. دونك معنى الحديث إلي واضح أن الإصلاح réconcilier entre ses frères. Ça c'est مهم. لأن que tu vois ton frère, il parle plus à un autre frère et ils sont divisés. فparmi النصيحة et parmi الأعمال الصالحة, c'est que tu fasses tout pour les réconcilier. Bien sûr, bilhaq. Celui qui est injuste envers son frère, il demande pardon. Celui qui a subi une injustice, il pardonne. Et les choses, elles soient clarifiées. Si c'est des masa'il fi ddin, an-nasiha, et on revient à ahl al-ilm. Aham shay, muhawalat al-islah. Et ça, c'est tayyib. Falihada, qu'on a un hadith abi ayyubi le da'if, et ma yatadhamman hada al-hadith min al-ma'ani, fa ahadith kathira. قال شيخ ابن عثيمين وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم أو يوجب تفرق وتباعدهم نعم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs adillah, il démontre anna al-muslimin, ils doivent se rassembler. Et dans plusieurs adillah, il met en garde contre la division. Pourquoi les anna se rassembler, ça va avoir pour conséquence du khayr. Et la division, les conséquences de la division, c'est le shar, c'est le mal. قال فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس. C'est pour ça que Al-Kuffar ou Shayatin al-Jinn ou al-Ins, ils font tout pour diviser هذه الأمة. Les Umur, parmi ces choses, ils savent très bien que le rassemblement de cette communauté, Al-Islam, Ummat al-Islam, Al-Muslimun, s'ils se rassemblent, Ala Al-Qur'an, ou Al-Sunnah, Bifahmi Salaf, ils savent très bien que ça deviendra une Ummah Qawiyya. Et ils pourront plus faire Al-Fasad qu'ils font, Al-Makr. Et l'injustice qu'ils font subir aux musulmans. Ils savent très bien. C'est pour ça qu'ils font tout pour les diviser. Enfin, le musulman, il doit comprendre ça et ne pas l'oublier. Al-A'da, ils veulent que du mal à cette umma. Fala tartar bihim. Qali anna shayatin al-ins wal-jin la yuwadduna min ahli l'islam an yajtami'u ala shay. فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والالتجاه إلى الله عز وجل كما ذكرنا لأنهم savent très bien أن si cette أمة elle est divisée ça sera une أمة faible ثم يبغون faire ce qu'ils veulent من الفساد والإفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. الريح هنا on a dit c'est بمعنى القوة. Donc il a cité ce دليل من السنة. كذلك il a cité حديث أبي أيوب pour démontrer l'importance de se rassembler et la gravité de se diviser. قال وأما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. Ça montre أن on peut diverger dans une مسألة ou dans plusieurs, لكن ça doit pas impliquer التفرق de la division. فمثلا أنا j'ai un avis أن الصلاة on doit faire de telle façon sur certains points مثلا. Anta, t'as un autre avis. J'ai mes adillah. J'ai des preuves. J'ai la parole de certains imams. Kadhalik, ton avis est basé sur des preuves et t'as l'avis de certains imams. La compréhension diverge. Rabbama, on a le même hadith. Lakin, anta, tu as été convaincu par la parole d'un savant qui l'a compris de telle manière. Et ana, je suis convaincu par la parole d'un autre savant qui le comprend d'une autre manière. Ça veut dire qu'il y aura une divergence entre moi et toi. Alors, même dans la salat, si on fait la salat l'un à côté de l'autre, certaines choses, tu les feras et moi je ne les ferai pas. Est-ce que ça doit impliquer une deal de la division là? Et va donner l'exemple de As-Sahaba radiyallahu anhu. On doit faire attention à l'hawa. On doit faire attention à l'hawa. On ne veut pas que tout le monde soit comme nous. Là, on doit vouloir que tout le monde suive sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'essentiel. Et la différence arrive, l'imada. On n'a pas la même compréhension. Et on va voir que c'est une divergence dans certains points. Mais certaines divergences, elles sont rejetées. C'est le haqq, il est wadih, le dalil, il est wadih. Les ulama, ils sont d'accord. Wahadi, ils divergent. Hada la yajouzoula. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymin, il va donner un mithal tayyib avec as-sahaba radiyallahu anhum. قال فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. C'est pour ça que ce mithal il est tayyib. Il va citer une divergence entre les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم il était présent. نحن on va retirer l'un de ce hadith des leçons et comment ils se sont comportés, la réaction du prophète صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ العثيمين فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد. بني قريظة c'était une tribu parmi les tribus de l'Yahoud. Ils habitaient Al-Madina. Et ta'lamoun anna al-Ahzab, quand Kuffar Quraysh et les autres tribus, parmi les Kuffar, ils ont voulu attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil Madina, enfin, ils se sont rassemblés, Al-Kuffar, et Banu Qurayda, ils habitaient fil Madina, et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les Kuffar, ils ont approché et ils ont fait un blocus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba, Banu Qurayda, ils avaient un pacte avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les attaque pas et eux, ils attaquent pas. Quand ils ont vu que le Kuffar, ils ont fait ce blocus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pensé que c'était la fin pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont rompu ce pacte. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala nasara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Enfin, les Kuffar, ils n'ont pas réussi à attaquer le Médine et ils ont fait demi-tour. Quand ils sont partis, Banu Qurayda, ils se sont retrouvés seuls. Faja'a Jibril ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa amarahu an yakhruj ila Banu Qurayda, ay qu'il se dirige ila Banu Qurayda, li'annahum, ils ont rompu le pacte à l'Yahoud. Faqala, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a reçu le message de Jibril أنه يدوف se diriger إلى بني قريظة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة, أي personne de vous ne fait salat juste tant qu'il n'arrive pas à بني قريظة. Et il leur a ordonné de se diriger l'un. S'ils arrivent avant Al-Asr, Faifun Al-Asr, on va voir la compréhension de As-Sahaba. C'est là le khilaf. Qala fa kharaju min al-Madina ila Bani Qurayda wa hana waqt salat al-Asr. Ils sont partis, ah oui, ils se sont dirigés en direction de Bani Qurayda et ils ne sont pas arrivés au lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et c'était l'heure du Asr. Donc l'un, ils vont diverger. Et en fait, c'est le khilaf, il y a un wujh. Et khilaf, il y a sourd, comme a dit Ahl al-Ilm. Tu peux comprendre. Anna, le prophète sallam, il a dit, vous ne faites pas salat l'asr tant que vous n'arrivez pas à Bani Qurayda. Tu peux comprendre, Anna, je ne fais pas l'asr tant que je n'arrive pas à Bani Qurayda. Même si on arrive, maintenant, la nuit. Je ne fais pas l'asr tant que je ne suis pas arrivé. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il est appuyé par le wahi. Donc, il a dit, on ne fait pas l'asr jusqu'à qu'on arrive à ce lieu, donc je retarde. La chef, tu peux comprendre comme ça. D'autres parmi les sahaba, ils ont compris, vous ne faites pas salat al-asr tant que vous n'arrivez pas à Bani Qurayda, bien sûr, si l'heure elle n'est pas dépassée. Si l'heure elle arrive, vous faites l'asr comme d'habitude, où que vous soyez. Les sahaba, ils ont compris. Donc, divergence. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. Un groupe parmi les compagnons, ils ont dit, là, le prophète sallam, il nous a ordonné de ne pas faire salat jusqu'à ce qu'on arrive. Enfin, on ne fait pas salat, même si on arrive après le maghrib. On fait l'asr après. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فنقول سمعنا وأطعنا. Ça, c'est une compréhension. ومنهم من قال نصلي في الوقت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراء إلى الخروج ولم يرد من تأخير الصلاة. D'autres compagnons رضي الله عنهم, ils ont compris, il y a des preuves qui montrent qu'on doit faire salat à l'heure. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de se dépêcher et de se rendre à Bani Qurayda. Ils ne font pas salat al-asr jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas et pour qu'ils se précipitent. Et vous vous dépêchez, vous sortez l'un et vous faites l'asr là-bas. Bien sûr, s'il leur arrive quelque chose sur la route ou ils se retardent, ils font salat à l'heure avec les autres preuves. Bah, de sahaba, ils ont compris. Al-An, si vous méditez sur les deux compréhensions, les deux, elles sont qualib. Et beaucoup de masayil fil khilaf, c'est hakada. Beaucoup de masayil fil fiqh, c'est hakada. Il y a deux compréhensions, deux avis des savants, et tu as du mal à trancher. Tu ne vas pas te diviser avec ton frère. Il comprend comme ça, un tas tu comprends notre compréhension, alhamdoulilah. Et on va voir. موقف هؤلاء رضي الله عنهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas réprimandé le premier groupe ou le deuxième groupe, et qu'ils ont divergé dans cette mas'ala. وَلَمْ يُوَبِّخْ عَلَى مَنْ فَهِمَا وَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَتَفَرَّقُوا مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِ الرَّأْيِ فِي فَهْمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أولاً, on comprend min hada أن parmi les causes de divergence, c'est la compréhension, elle peut diverger, comme dans cet exemple. Deuxièmement, on a compris un mawqif des sahaba, ils se sont pas divisés. Une umma, des frères, lakin chacun a sa compréhension. Wahid minhum, il a compris anna il faut pas faire salat al-asr tant qu'il arrive pas. Un autre, il a compris que c'est si on arrive à l'heure, na'am, si on n'arrive pas à l'heure, on fait salat al-asr ou qu'on soit. Fa tayyib la bas. Qala Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن vous avez remarqué qu'ils ont tous la même source. Tous la même source. أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن il peut avoir des divergences par rapport à la compréhension. وهذا يحصل comme on a dit في الخلاف. Donc on n'a pas le droit de se diviser في هذا. On n'a pas le droit. T'as ton avis, j'ai mon avis. L'essentiel c'est que cet avis soit basé sur des preuves. Et bien sûr ces preuves ils soient expliquées par أهل العلم. Par les savants. Si les savants ils divergent, enfin, tu reviens au haq, ce que tu vois être le plus proche du haq. Il y a certaines masaïl fiqhiyya, mitla hadi, farubbama, les deux avis sont qawi. Fa anta, fi hada al-hal, t'es sincère, t'es objectif, ton objectif c'est le haq, et tu prends l'avis qui te semble pour toi être le haq. Alhamdulillah. Et si ton frère il a un autre avis, fa la yadur. Bien sûr, tout ça, c'est fi al-masa'il yasour fi al-ijtihad. Il y a un hadith et robbama al-ulama, ulama ahl-sunna. On est toujours nahnou ma'a ulama et ahl-sunna, ma'a ulama al-bid'a wa al-juhal. Aslan, ils ne sont pas mu'atabar fi hada. Lakin, ça arrive des divergences entre savants de la sunna. Hada, ça ne doit pas nous diviser. Lakin, notre but, c'est le haq. Et on doit prendre le haq où qu'il soit. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, amma amal. السلف الصالح فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف. Bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a précisé, anna c'est le khilaf alladhi fihi sadiran an ijtihad. C'est ça. Amma des masa'il ou le hadith il est clair ou le dalil il est wadih ou al-ulama rubbama ajma'u ala dhalik, on n'a pas le droit de khalif. Et celui qui khalif, fala yu'khad qawluh. Ça c'est muhim. Amma certaines masa'il comme l'exemple qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen في الصحابة رضي الله عنهم فهذا واضح. Et à notre époque, il y a beaucoup de divergences de certains sujets et ولله الحمد ça ne nous pousse pas à se diviser. فمثلا في الصلاة بعض الإخوة après le recours ils mettent leurs mains sur leur poitrine et بعض الإخوة ils délaissent les mains étant le long du corps sans les placer sur la poitrine. فلا ينظر. Cheikh Ibn Baz il a un avis رحمه الله. Cheikh Al-Albani il a un avis. Cheikh Mokbel il a un avis, Cheikh Al-Uthaymeen il a un avis, aham shay, t'étudies la masala et tu prends le qawl qui pour toi c'est le haq. Pour toi ce qawl il est basé sur le dalil. Et tu verras que sur cette masala, rubbama ils ont le même dalil. Donc ça ne nous pousse pas à nous diviser. Certains frères, fit tashahoud, ils bougent le doigt, d'autres ils bougent pas le doigt. La yadur. Ça fait aucun mal. L'essentiel c'est que le fi'l que tu fais, t'es convaincu que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ces masala, ces exemples qu'on vient de citer, يسوغ بذلك الاجتهاد. أما في العقيدة مثلا واحد ينودي الله إلي بختو on va pas dire il a son avis on respecte اجتهاد أبدا بل هذا القول كفر et les adillahs sont واضحة أن الله سبحانه وتعالى إلي في السماء كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم رضي الله عنه وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء. Et كم من أدلة الرحمن على العرش استوى أن الله عز وجل il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de sa main. Donc celui qui خالف في هذا c'est un ضال, c'est un منحرف. Si c'est un جاهل يعلم, on lui montre أن عقيدة أهل السنة est fondée sur des preuves. Et العلماء ils sont على هذا, علماء الإسلام, علماء أهل السنة, Donc bien différencier. Al-khilaf, il y a plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Khilafun yassour fihi l'ijtihad. On a cité des exemples, le fiqh. Et un khilaf, la yajouz. La yajouz, dalil il est wadih. Fi al-aqida, fi masail wadih. On n'a pas le droit. Fi had. On revient tous au haqq, l'an al-haqq il est wadih. Amma fi masail al-fiqh, rubbama la compréhension elle diverge. Fa hada, rubbama yahsul. Et c'est ça, Mourad, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qala. حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة مثال طيب العلماء يصنفرجي في هذا. Par les ulama, ils disent que manger la viande de chameau, ça annule l'oudou. D'autres, ils disent là. Tu sais que l'imam, il a pris la vie, ça annule pas l'oudou. Et il a mangé la viande de chameau. Est-ce qu'on va diviser, on va dire, on ne fait pas salat derrière lui? C'est son avis. Et nous, on fait salat derrière lui. Et, inshallah, salat al-sahiha pour le jami'. Ijtihadun. Et, kathir min al-ulama, ils disent que ça annule pas l'oudou. Et al-sahih, c'est que ça annule l'oudou. Nous, on a choisi un qawm. لأنه يا أندليل لكن بعض العلماء ربما يزون ضعف الحديث ربما ينوت كمبرينسيون ربما يقولون بالنسخ دوتخ غزم كما با ديتاي هنا. قال كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف لأن كل واحد من المختلفين قد اتبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. Ils sont tous d'accord. Suivez. Même s'ils divergent. Maintenant, les sahaba, ils étaient tous d'accord dans l'exemple. Maintenant, je dis qu'il faut bouger le doigt fit tashahud. Anta, t'as un autre avis, il ne faut pas bouger le doigt. Et muhim, masala khilafi, elle est ma'roufa. On est en divergence sur ce point. Moi, je vais bouger le doigt et toi, tu ne vas pas le bouger. Lakin, on est d'accord sur quoi? On est d'accord qu'il faut tous revenir à sunna. On est d'accord qu'il faut tous revenir au haqq. Lakin on diverge. La compréhension. On répète que la Cheikh Ibn Uthaymeen. Kullu hadha li'annahum yarawun anna al-khilaf an-naji' 'an ijtihad fi ma yasugh fihi al-ijtihad laysa fi al-haqiqa bi khilaf. Fi al-haqiqa c'est pas un khilaf, ça va pas nous diviser. Limadha li'anna kull wahidin min al-mukhtalifin qad ittaba'a ma yajib 'alayhi ittiba'uhu min ad-dalil. Fi al-haqiqa on est tous d'accord qu'il faut suivre le dalil. On est une umma wahida, on est tous d'accord qu'il faut suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ça peut arriver, on diverge, pourquoi? Imma, t'as compris d'une façon, j'ai compris d'une autre, bien sûr en revenant à Ahlul Ilm. Imma, wahid il pense que ce hadith il est daif, ça arrive beaucoup had. Matalan wahid, il fait une chose, et toi tu ne la fais pas, pourquoi tu ne la fais pas? Il y en a pour toi le hadith il est daif. Et tu cites matalan kalam Cheikh Al-Albani, ou kalam Cheikh Muqbil, ou kalam l'imam Ahmed Mohim. Kalam d'un savant qui va'af le hadith. Il est convaincu que le hadith est sahih et il cite des paroles d'autres savants. Maintenant, le Hafid ibn Hajar a dit, l'imam Dahabi a dit, Cheikh Ibn Baz a dit, et pour lui le hadith est sahih. Khilaf. Fahoua, il va faire cette chose. Pourquoi? Parce que le hadith pour lui est sahih. Un tas tu ne vas pas la faire, il y en a pour toi, il est daif. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut tous revenir à Sunnah? Naam. Lakin pour toi, le hadith il est faible. Est-ce que ça va impliquer une division? Abadan. Hakada, ils sont nos savants. Est-ce que Cheikh Ibn Baz, il est d'accord avec Cheikh Al-Albani dans tout? Abadan. Il y a beaucoup de sujets, ils sont en divergence. Que ce soit fait salat ou autre. Est-ce qu'ils se sont divisés? Ou hada il a insulté hada? Ou hada il a hajar hada? Abadan. Tu demandais à l'époque de Cheikh Ibn Baz c'est qui l'homme le plus savant? Il disait Cheikh Al-Albani. Tu demandais à Cheikh Al-Albani c'est qui le plus savant de notre époque? Il disait Cheikh Ibn Baz. Ihtiramun. Hakada nahnu on doit être. Entre Ahl al-Sunnah. Amma Ahl al-Bida'i wa al-Dalal. Il est ma'rouf le mouqif. Et Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Ibn Uthaymeen, il va préciser. Qala, fahum yarawna anna akhahum idha khalafahum fi amalin ma ittiba'an lid-dalil huwa fil haqiqa qad wafaqahum. Et c'est ça, nahnu kadhalik. Tu sais que ton frère il diverge, lakin tu sais très bien que ton frère il diverge avec toi, lakin il suit dalil, et son but c'est dalil. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit attention à l'hawa. Je bouge pas le doigt, fais salat, fais tashahoud. Je veux que tout le monde ne le bouge pas. Même si le frère il n'est pas convaincu, tu veux qu'il te suive. Là, s'il est convaincu que le hadith fi at-taharruk il est sahih. Alhamdulillah, au contraire, normalement tu dois être satisfait. Tu dis, alhamdulillah, ce frère, son but c'est le haq. Et il essaye de trouver le haq. Amma qu'on veuille que tout le monde nous suive, hada c'est min al-hawa. Et on doit faire attention à l'ihala. Pas essayer de convaincre les gens parce que moi je fais. Là, là le but c'est que tout le monde suive sunnah. قال وهو في الحقيقة قد وافقهم لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله عز وجل كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا واضح un point important. Salafi avec son frère Salafi doit avoir de la rahma, il doit avoir du rifq. La yesta'jil. Et al-munasaha libi al-kalam al-tayyib. Et kadhalik, il écoute ce que son frère il a à dire. Ahyanan, il y a une erreur qui est répandue, c'est que wahid il a un avis, il n'écoute pas son frère. Il pense que c'est clair, wadih. Ka'anna al-mas'ala, il y a ijma', il y a l'unanimité des savants. Alors que le khilaf il est wasi'. Et il a un avis, il n'écoute pas son frère. Écoute ton frère. Surtout si c'est un frère qui parle bi'ilm. Et c'est un frère, son kalam, il est basé sur Al-Kitab ou Sunnah, il revient au savant. Écoute-le. Écoute-le. Là, Allah, il va citer une chose que tu n'avais pas comprise. Ant. Na'am. Hakada entre frères. Amma se précipiter, vouloir toujours avoir raison. Quand ton wahid, il n'est pas d'accord avec toi, tu hausses la voix. Et un mauvais comportement, là, ça fait du mal. Européen pour une mas'ala, à la base, al-khilaf, fiha il est sa'ir, al-ulama, anfusuhum yakhtalifun, Européen, ce frère, s'il ne fait pas attention, Européen, il khalif des adillah, wadiha. Et le bon comportement avec ton frère musulman, c'est wajib, il n'y a pas de khilaf, fiha. Donc, on fait attention de ne pas délaisser des adillah clairs, il n'y a aucune divergence, et pour des choses, Européen, il y a un wajib, fil khilaf. هذا c'est مهم. قال شيخ ابن عثيمين الآن va faire la précision qu'on a cité. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون. أما une chose ça خالف نهج الصحابة ونهج التابعين أي ما كان عليه السلف الأمة. On n'a pas le droit في هذا الحال de se taire et de dire c'est pas grave et de se rassembler même si cette personne elle ne veut pas délaisser cette chose. La la bud min an-nasiha la bud min al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. قال كما سائل العقائد التي ظل فيها من ظل من الناس. On a cité l'exemple en Allah azza wa jalla il est fi as-sama, il est au-dessus de son trône. Fa fi hadha al-hal on n'a pas le droit de dire en celui qui dit Allah il est partout c'est pas grave. Na'oud billah. قال ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لابد أن يموت كل الصحابة بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. فربما دي بدع. Elles sont sorties à la fin de l'époque de Sahaba et il y avait encore certains Sahaba. Mathalan, bid'at al-qadr. Fi sahih muslim, an itnain min al-tabi'in, quand ils sont venus faire le hajj ou l'umra, ils sont partis voir Abdullah ibn Umar et ils lui ont informé an min al-nas fi l'Irak, dans le Zahar, ma'bad al-Juhani wa man-ma'a, yakouloun al-amra unuf wa l'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait la chose que quand elle se passe. Avant qu'elle se passe, une chose quelconque qui se passe via del kaw, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que quand ça arrive. Et avant, il ne sait pas. Kufrun billahi azza wa jal. Ta'anun fi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est bi kulli shay'in alim. Quand Abdullah ibn Umar, il a été informé, kafara ha'oula. Mais c'est un sahabi. C'est ça qui va te montrer chez mon Uthaymi. Et Rubama, un khilaf grave, il est arrivé à la fin de la période de Al-Sahaba. Lakin, Al-Qarn, Yutlaq, et la génération de Sahaba, et la plupart des Sahaba, ils étaient encore là. Ahada alladhi yurid. Amma bid'at al-khawarij, bid'at al-qadr, et kathir min al-bid'a, ils sont, Rubama, le départ, il y avait encore quelques Sahaba. فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد في هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد بدع qui sont sortis après قرون هؤلاء après ces générations et كبدعة الأشاعرة بدعة الجهمية بدعة المعتزلة بدعة الخوارج بل ربما certaines بدع elles sont sorties après l'époque de Sahaba في زمن التابعين لكن الانتشار أكثر c'est بعد القرون المفضلة القرون المفضلة سيليجي les premières générations النبي صلى الله عليه وسلم il les a زكي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالبدع الشر انتشر après ces trois générations قال فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه في هذا الحال on accepte pas أبدا il revient au حق s'il revient pas au حق ça sera lui la cause de la division. S'il est délaissé par les gens, ou l'ulama, ils le font sortir de l'islam, s'il a fait une chose qui le rend kafir, ou il le rend innovateur, s'il a fait une bid'a, il ne veut pas revenir. C'est lui qui a divisé. Et c'est lui la cause. Pourquoi vous divisez? C'est pour ça qu'au départ, on a dit, pourquoi vous divisez? Pourquoi vous parlez? Ça dépend. أنه يخالف دي أصول من أصول ديننا يخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فهذا سيف الخير إلى ذو خير غير حق سيف بقى سلبي لكوس قال أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فهذا هو الضابط Bien sûr, notre but c'est le haq. On ne se dit pas, mas'ala khilafia, on choisit ce qu'on veut. Là, l'anna ittiba' al-hawa la yajouz, même fi hada. Lakin, on fait des efforts pour chercher le haq, et on prend le haq. Et si ton frère, il a fait un effort, et il a un autre qaw, dans ce genre de mas'a'il qu'il a cité chez Ibn Uthaymin, inshallah, ça ne doit pas nous diviser abatan. Tu respectes ton frère, il te respecte, et alhamdulillah, le but c'est qu'on fasse des efforts fil ilm. Et plus on fera des efforts fil ilm, plus on comprendra. لأن une des causes الآن أن des مسائل divise alors que c'est pas une cause de division c'est le جهل et bien sûr le هوى l'intention et le niveau في العلم c'est les deux causes donc on fait des efforts في العلم كذلك notre intention le but c'est suivre السنة c'est pas de suivre un tel ou que ce frère il me suive moi là قال شيخ ابن عثيمين فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنى نعم الألسن نعم ينظر هذه الكلمة قال ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه يختلفون فيه فيما تقتضيها النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة en recherchant le haq bien sûr لكن si c'est des مسائل كما قال شيخ ابن عثيمين يسوغ فيها الاجتهاد العلماء أمم divers et ربما tu comprends d'une telle façon et d'une autre ça doit pas nous diviser on reste des frères on s'aime في الله on s'entraide à l'albir ou à taqwa. Et l'exemple qu'il a cité, Cheikh Ibn Uthaymeen, fi Bani Quraïda, il est واضح. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أي الكفار واضحون كاليهود والنصارى ils font tout pour nous diviser أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام كذلك المنافقون Il fait apparaître l'islam, et il fait apparaître qui veut le khayr, et fait le haqiqa, son but c'est que de diviser. Fal hadr min as-sinfayn. Qala wa hum laysu kadhalik. Hada kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il est jamil, il est mukhtasar, il a bien résumé hada al-asl. Fal hasil anna min usul ahli sunnati wal jama'a, c'est al-ijtima'. Al-ijtima' on a dit ala al-haq. Et le but, c'est de revenir au Coran et à la Sunna avec la compréhension des salafs. Et le musulman, s'il veut appliquer, s'il veut se rassembler, il est obligé de revenir aux sources comme on a cité. Et bien sûr, il cède avec la compréhension des savants. C'est une des causes pour nous rassembler. Bi'idhnillahi azza wa jal. Kadhalik, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a démontré, il y a plusieurs sortes. Ikhtilafun On n'a pas le droit de se taire. Et si cette personne n'y revient pas, alors Obama, c'est une cause de division. Et c'est lui la cause, c'est lui le sabab. Fiyad al-Hal, on ne se tait pas. Et on ne se rassemble pas avec Ha'oula. Karrawafid wa Sovia wa al-Asha'ira ila akhir. Et un khilaf, yassour fihi l'ijtihad. Il a cité l'exemple de Sahaba fi Bani Quraïda, aïe, une divergence de compréhension, ou une divergence sur l'authenticité d'un hadith. Le qawl, les savants eux-mêmes y divergent. Fiyad al-Hal, tu fais des efforts, tu prends le qawl pour toi qui est basé sur le haq. Et celui qui diverge avec toi parmi tes frères, ça reste ton frère fi hada al-hal. Hada al-khulasa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak lahum bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.